The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Hello. Bonjour. Sir. Le monsieur. Half. Demi. Baguette. La baguette. Please. S'il vous plaît. All. Tout. Now, a bit faster. Sir. Le monsieur. Hello. Bonjour. Baguette. La baguette. Hello. Bonjour. Sir. Le monsieur. Half. Demi. All. Tout. Sir. Le monsieur. Half. Demi. Now, use the words in context. Demi. The train is in a half an hour. Le train est dans une demi-heure. Bonjour. Hello, ma'am. Bonjour, madame. S'il vous plaît. A coffee, please. Un café, s'il vous plaît. Tout. Yes, that's all. Oui, c'est tout. Monsieur. What would you like, sir? Vous désirez, monsieur? Demi. The train is in a half an hour. Le train est dans une demi-heure. Bonjour. Hello, ma'am. Bonjour, madame. S'il vous plaît. A coffee, please. Un café, s'il vous plaît. Tout. Yes, that's all. Oui, c'est tout.